soir sur Pure FM. C'est... We'll be right back. Flex pour le Fuse et les Fuse Files. Vous écoutez un DJ set de Marcus Vector. vendredis et samedis soirs sur Pure FM. We'll be right back. DJ set de Marcus Vector pour le Fuse, les Fuse Files dans Pure Trax. Yeah. vendredi et samedi soir sur Pure FM. the best is yet to come. So everyone who doubted me, I'm just saying.

Et voilà, c'est terminé. C'était un DJ set de Marcus Vector pour le Fuse Fuse Files dans Pure Tracks. Il est temps de se dire au revoir et à la semaine prochaine, comme tous les vendredis, tous les samedis, de 20h à minuit, c'est Pure Tracks. Alors, si vous sortez ce soir, bien sûr, vous n'oubliez pas de désigner le bob ou la bobette. Fille ou garçon, prenez votre stock de préservatifs, sans oublier que les boîtes, ça conserve. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Allez, ciao, ciao. Just a matter of man, baby.